الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. إذا أحب عبدا فقهه في الدين. Quand il aime un serviteur, il lui donne la maîtrise dans la religion. وآتاه الحكمة. Et il lui apporte la sagesse. وزينه بحسن الخلق. Et il l'embellit par le meilleur comportement ou la haute moralité. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, هل ننبئكم بالخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dit, voulez-vous que nous vous informions de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont les efforts dans la vie ici-bas se perdirent dans l'errance, l'égarement, alors qu'il croyait agir dans le bien. وَقَالَ تَعَالَى Et Dieu le Très-Haut dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا رضينا كل غبرة, ذاك العمل كله صار غبرة كالطير, لا وزن لها. Notre volonté se porta alors sur les œuvres qu'ils ont accomplies, que nous réduisîmes alors en poussière éparpillée. Akbar mushkil yawm al-qiyamah, le plus grand problème le jour de la résurrection, huwa an taktashif an a'malak al-khalisa fi ad-dunya kanat 'ala dalal. Le plus grand problème pour l'individu, c'est que le jour de la résurrection, il découvre que ses actions, ses œuvres sincères dans la vie ici-bas était sur une voie d'égarement. Kunta mathalan tuharib ikhwanak al-muslimin. Par exemple, tu combattais tes frères musulmans. Kunta ala tariq khata. Tu étais sur un chemin d'erreur. Wa mush khata fi ad-din ou fi l'ijtihad. Il ne s'agit pas là d'une erreur pour comprendre la religion, fournir l'effort pour comprendre la religion. Non, une autre erreur. Et tu agissais avec sincérité en pensant que tu étais sur la bonne voie, que tu avais raison. Et le jour de la résurrection, toutes ces œuvres seront égales à un zéro. قال العلماء, les savants disent, لابد للعمل كي يتقبل من شيئين, afin que l'œuvre soit agréée, il lui faut deux choses, الإخلاص والصواب, la sincérité et avoir raison et ne pas avoir tort. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit, prière et salut sur lui, إن الله رفيق. Dieu est certes doux ou infiniment doux. يحب الرفق في الأمر كله. Il aime la douceur dans tous les domaines. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Bima'na, idha kunta rafiqan ma'a al-makhluqat. Ceci signifie que dans le cas où tu es doux avec les créatures, toutes les créatures, ahabbaka ar-rafiq, le très doux va t'aimer. Wa idha kunta qasiyan ma'a al-makhluqat. Mais dans le cas où tu es dur avec les créatures, karihaka ar-rafiq, le très doux va te détester. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء. Que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, ورمال الصحراء, et au nombre des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci, mes frères, mes sœurs en Islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Mohamed al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Takallamna fil jumu'ati al-madiyah, nous avons parlé lors du dernier vendredi, takallamna an al-shabab alladhi yaltahiq bi majmu'a islamiyah wa yusbih lahu shaykh. Nous avons parlé dans le vendredi dernier des jeunes qui adhère à un certain groupe musulman, et ces jeunes, par la suite, ont des ce qu'on appelle cheikh. Wa yara bi anna jami' al-akharin kharij majmu'atihi wa madrasatihi min ad-dallin. Et par la suite, il pense, il remarque, il regarde ou il observe que tous les gens qui sont à l'extérieur de leur école sont des égarés. Et peut-être, lorsqu'on est extrémiste, lorsqu'on va vers l'extrême, on pense même que les gens qui sont en dehors de l'école ou du groupe sont des mécréants, ne sont même plus musulmans. Parce que ce jeune sincère, qui aime le bien pour les autres, veut que tous les musulmans soient comme lui et comme son groupe. ورأينا أن الاختلاف سنة إلهية كونية. Et nous avons vu aussi vendredi passé que la divergence est une loi divine universelle. ورأينا كذلك أن الإسلام يقول نعم لاختلاف الرحمة واختلاف الألفة. Et nous avons vu que l'islam dit oui à la divergence qui est accompagnée de l'entente ou par l'entente et la miséricorde. وَيَقُولُ لَا لِخْتِلَافِ الْعَذَابِ وَالْفُرْقَةِ. Et nous avons vu que l'islam disait non à la divergence accompagnée par la désunion et la discorde. الآن تحت قاعدة لا يؤمن أو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et aujourd'hui, sous la règle, le hadith qui dit l'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. فبما أننا نحب جميع الشباب, comme on aime toute la jeunesse musulmane, نحب اليوم أن نقدم لهم نصائح. On veut aujourd'hui leur présenter des conseils. مبنيّة على الأدلة, des conseils basés sur des arguments. ونبدأ إن شاء الله. الآن في عصرنا ماذا نفعل أمام اختلاف المدارس والمجموعات والعلماء؟ À notre époque, que doit-on faire devant la grande divergence des écoles, des groupes et des شيخ, des maîtres ou des savants. من أراد الانتماء لمدرسة, وأؤكد أن الانتماء لمدرسة ليس واجبا. Celui qui veut adhérer à un groupe, à une école, et je rappelle comme la dernière fois que adhérer à un groupe n'est pas obligatoire en islam. ليس واجبا إسلاميا, ولكنه جائز. Mais c'est permis. Moi je te dis, mon frère ou ma sœur, adhère à n'importe quel groupe. ولكن انتماءك يصبح حراما اذا جر للحرام. Mais ton adhésion à un groupe devient interdite si elle mène vers l'interdit. Par exemple, combattre tes frères, insulter tes frères. الانتماء لمجموعة يصبح حرام اذا صرت تحارب المسلمين. إذا صرت تسب المسلمين, إذا صار ما نعرف الآن بحرب المساجد, cette adhésion devient interdite Si on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui dans les mosquées en France et peut-être dans le monde, ce qu'on appelle la guerre des mosquées. هذه الحرب التي طردت الكثير من المساجد. Cette guerre qui a chassé beaucoup de musulmans des mosquées qui ne supportent plus voir cette guerre sale dans les mosquées de Dieu. من أراد اتباع عالم أو شيخ ماذا يعمل؟ Celui qui veut sincèrement suivre un savant, un alim, un sheikh, un maître, que doit-il faire? Man yakhtar? Que peut-il choisir? Qu'est-ce qu'il peut choisir comme école ou comme sheikh? Wa kayfa yakhtar? Et comment doit-il choisir, faire son choix? Al-jawab, la réponse. رأينا في الدرس في الدرس الماضي nous avons vu dans la leçon précédente أن الإسلام أوجب الاجتهاد على العالم. Nous avons vu que l'islam a imposé l'ijtihad, le fait de fournir l'effort intellectuel pour comprendre les textes religieux. أوجب الاجتهاد لوجود الحلول لمشاكل الناس من النصوص الدينية أو الشرعية. Donc l'islam a imposé à celui qui a atteint le degré de l'ijtihad, de fournir l'effort pour trouver des solutions pour les problèmes rencontrés par les gens à partir des textes religieux. أما الإنسان العادي, tandis que l'homme ou la femme ordinaire, الإنسان الجاهل مثلي, tandis que l'homme ignorant, comme moi, bien sûr, فعليه بالاجتهاد لاختياري العالم أو الشيخ الذي يقلده. Cet homme simple, ordinaire, comme moi, doit faire un ijtihad, doit faire un effort intellectuel pour, seulement pour chercher lequel parmi les savants qui se dressent devant lui, parmi les chers qui se dressent devant lui, qui mérite qu'il soit suivi par lui. Ça veut dire qui dois-je suivre? Je dois faire un ijtihad, je dois faire un effort intellectuel, كما تجتهد في اختيار الطبيب, exactement comme tu fais une recherche pour choisir le bon médecin. كما تجتهد قبل شراء ثلاجة أو تلفزة, exactement comme tu fais l'effort avant d'acheter un réfrigérateur ou un téléviseur. وتبحث وتسأل حتى تعرف الفرق بين الأنواع المعروضة. Et tu poses des questions, tu fais une grande recherche jusqu'au point de connaître toutes les marques exposées, faire le choix en connaissance de cause. فعليك أن تجتهد للبحث عن العالم أو الشيخ الذي تقلد في دينك. De la même manière exactement, tu dois fournir le même effort au plus afin de chercher le savant, العالم, ou le sheikh, le maître, que tu vas imiter dans ta religion. ستضع بينك وبين الله رجلا. Tu vas mettre entre toi et Dieu un homme. فلا تضع أي رجل. Ne mets pas n'importe quel homme. ابحث عن الأفضل. Cherche le meilleur. اتبع من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suis celui qui suit le messager de Dieu. Prière et sagesse. لا أقل ولا أكثر, ni plus ni moins. وَمَنْ لَا يَتَّبِعَ رَسُولَ اللَّهِ فَفَارِقْهُ مِنَ الْيَوْمِ. Celui qui ne suit pas le messager de Dieu, prière et salut sur lui, quitte-le à partir d'aujourd'hui. انظر خلق هذا الشيخ. Regarde trois choses. انظر لثلاث أشياء. Regarde le comportement du sheikh. Fais un test. هل هو متكبر? Est-il orgueilleux? L'orgueil n'est pas compatible avec l'islam. هل يسب العلماء? Est-ce qu'il insulte les autres, les savants morts ou vivants de la nation? هكذا ابتعد منه. S'il est comme ça, éloigne-toi de lui. انظر خشيته لله وبكاءه. Regarde sa crainte préférentielle vis-à-vis de Dieu. Regarde ses larmes. إذا كان يخشى الله اتبعه. S'il craint vraiment Dieu, suis-le. انظر علمه. Et la troisième, regarde sa science ou son savoir. هل يعرف علم الاختلاف؟ Connaît-il ce cheikh? Connaît-il la science de la divergence en islam? يعني أصول الفقه؟ qu'en est-il la science qui s'appelle les fondements de l'fiqh? وَإِلَّا فَلَيْسَ بِعَالِمِ S'il ne connaît pas ça, comment on peut l'appeler cheikh? Comment on peut l'appeler savant? Et lui, il ignore même la divergence. Ça veut dire toujours, il va insulter les autres. فِي زَمَانِنَا كُلْ مَنْ تَرَكَ لِحْيَةِ À notre époque, chaque homme qui laisse pousser une barbe وَقَرَأَ كِتَابًا et qui lit un livre يُسَمَّ شَيْخًا On l'appelle cheikh, maître. إِنَّنَا نَظْلِمُ كَلِمَةَ الشَّيْخ ظُلْمًا كَبِيرًا On est devenus, mes frères et mes sœurs, très injustes à l'égard de ce grand mot qui s'appelle cheikh, le maître. كَلِمَةَ الشَّيْخ يَسْتَحِقُّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا Ce mot à cheikh est mérité normalement par des gens comme Abu Bakr, comme Omar, que Dieu soit satisfait d'eux. Kibar al-Sahaba, ce mot cheikh est mérité par les grands compagnons du prophète, prière et salut sur lui. يَسْتَحِقُّ الْإِمَامُ مَالِكُ وَكِبَارْ الْأَئِمَّةُ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِ وَأَحْمَدِ ابْنُ حَنْبَلٍ Ce mot cheikh est mérité par les grands imams comme Malik, comme Shafi'i, Abu Hanifa, l'imam Ahmed. يَسْتَحِقُّهَا الشَّيْخَانِ البخاري ومسلم. Ce mot est mérité par les deux grands cheikhs, البخاري et مسلم. يَسْتَحِقُّهَا جِبَالُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ Ce mot cheikh est mérité par les montagnes de savoir et de science dans notre nation. أَمَّا الْيَوْمِ فَالشُّيُوخُ قَلِيلٌ Tandis qu'aujourd'hui, les cheikhs ou les maîtres sont devenus très peu nombreux. رُبَّمَا تَعُدُّهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَصَابِعِ Peut-être tu les comptes sur les têtes des doigts. تجد اليوم الرجل دكتورا في جانب ضيق من أحد العلوم يعني متخصص في شيء قليل من علم لا يعرف حتى العلم كله Aujourd'hui tu trouves quelqu'un qui est devenu docteur ça veut dire il s'est spécialisé dans un petit fragment d'une science islamique il ne connaît même pas la science dans sa totalité il est spécialisé dans un domaine petit ويجهل باقي العلوم الإسلامية أي إليون إل إنيور لغيس دي سيونس مسلمان ولهذا صارت مجامع الفتوى raison pour laquelle maintenant il y a eu la constitution d'assemblée pour la fatwa d'assemblée de plusieurs savants pour la fatwa حتى تتجمع كل العلوم بجمع الرجال ainsi on rassemble toutes les sciences lorsqu'on rassemble beaucoup d'hommes Comme ça, on évite le maximum possible l'erreur. Filmadi, dans le passé lointain, كَانَ الرَّجُلْ عَالِمًا مَوْسُوعَ فِي كُلِّ الْعُلُومِ كَانَ الشَّيْخ يعني عَالِمًا مَوْسُوعَ فِي كُلِّ الْعُلُومِ Dans le passé, le cheikh était un homme savant qui était une encyclopédie. Dans toutes les sciences, il était universel. Dans toutes les sciences de la religion et les sciences non religieuses كان عالما في علوم الدين وعلوم الدنيا تجده عالما بالشعر il était un savant dans le domaine de la poésie الطب dans le domaine de la médecine الرياضيات dans le domaine des mathématiques الى اخره etc كانت هذه المقدمه وامر الى التفاصيل c'était là l'introduction et je passe au développement اليوم سنعطي كما قلنا بعض النصائح كيف نختار وكيف نتعامل مع العالم أو الشيخ وكيف ننظر إليه Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va voir, inshallah, on va donner quelques conseils à nos frères et à nos sœurs pour voir comment doit-on choisir d'abord le cheikh et comment se comporter avec cheikh ou bien le alim, le savant et comment on le regarde, quelle est l'idée, la croyance qu'on doit avoir sur ce cheikh. النقطة الأولى le premier point الشيخ غير معصوم le premier point le cheikh est faillible n'est pas infaillible هذه نقطة جد مهمة يعني يقوم بالخطأ مش معصوم هذه نقطة جد مهمة il s'agit là d'un point essentiel هناك من يظن أن كل ما يقوله الشيخ أو العالم كالقرآن Il y a des gens par ignorance pensent que tout ce que dit un cheikh, tout ce que dit un savant ressemble au Coran. Là, il y a jib an yukhalef. On ne doit pas s'éloigner de ce qu'il dit. On ne doit pas s'opposer à ce qu'il dit. وَمَنْ خَالَفْ فَقَدْ عَصَى أَوْ كَفَرْ. Et celui qui s'oppose au grand cheikh qui se trouve dans tel pays est un désobéissant, bien sûr, est un mécréant. Il a osé. Al-Isma toujad inda shi'a. L'infaillibilité se trouve uniquement chez les chiites et non pas chez les sunnites. On est des sunnites, on n'est pas des chiites. نحن سنة لسنا شيعة. العصمة توجد عند الكاثوليك. البابا عندهم معصوم. L'infaillibilité se trouve chez les catholiques. Le pape pour eux est infaillible. أما في الإسلام فلا عصمة للعالم أو الشيخ. Mais en notre religion, l'islam sunnite, il n'y a aucune infaillibilité pour le savant ou pour cheikh, le maître. رأينا في الجمعة الماضية أن العالم يجتهد. Nous avons vu dans le vendredi passé que le savant, الشيخ, fait l'effort intellectuel. إذا أصاب له أجران. Lorsqu'il a raison dans son اجتهاد, il a deux fois le salaire. وإذا أخطأ معنى يخطئ. وإذا أخطأ فله أجر واحد. Mais lorsqu'il commet l'erreur, il a une fois le salaire. Ça veut dire il commet l'erreur. بمعنى ليس معصوما. Ceci signifie qu'il n'est pas infaillible. انظروا كبار الأنبياء المعصومين. Regardez avec moi les grands prophètes qui étaient infaillibles. معصومين من الذنوب. Infaillibles en ce qui concerne les péchés. لا يقومون بالزنا. لا يقومون بالسرقة. الله حفظهم. Ils ne commettaient pas par exemple l'adultère. Ils ne commettaient pas le vol. Ils étaient infaillibles, protégés par Dieu contre tout péché. فهم لا يقومون بالذنوب. Ils ne commettaient aucun péché. مثلنا, comme nous. ولكن ممكن أن يقوموا ببعض الأمور الصحيحة في اجتهادهم. ولكن فيه أحسن منها. Mais ils pouvaient commettre ou faire quelque chose selon leur ijtihad, selon leur effort intellectuel. Ce qu'ils faisaient, c'était bon, c'était correct, ils avaient raison. Mais lorsqu'on réfléchit, peut-être ils pouvaient mieux faire. Il y avait un autre chemin meilleur que leur ijtihad. Le Coran يذكر أن بعض تصرفاتهم, تصرفات أنبياء, لم تكن موافقة لمراد الله تعالى وتبارك. Le Coran, notre livre suprême, sacré, cite que quelques-unes de leurs actions, de ces grands prophètes, n'étaient pas conformes à la volonté divine. Le premier exemple, قصة موسى عليه السلام مع الخضر, l'histoire de Moïse, prière et sagesse, avec Al-Khadr, le maître qui s'appelait Al-Khadr, في سورة الكهف, qui se trouve dans le chapitre La Caverne. موسى عليه السلام موسى عليه السلام وعد الخضر على قبول الشرط وهو الصبر والطاعة. Moïse, prière et sagesse, a donné son accord de principe, s'est engagé auprès de ce maître Al-Khadr pour accepter la condition de Al-Khadr, c'est de s'armer de la patience et l'obéissance vis-à-vis de Al-Khadr. وخلال السفر خالف الشرط. Mais pendant le voyage, lorsqu'il accompagnait Al-Khadr, Moïse a manqué à sa condition de départ. وَكَانَ يَعْتَرِدْ عَلَى تَصَرُّفَاتِ Al-Khadr. Il critiquait trop et fort les actions de Al-Khadr, du maître Al-Khadr. وَفِي الْحَقِيقَةِ كَانَ يَعْتَرِدْ عَلَى إِرَادَةِ اللَّهِ. Mais en réalité, il s'opposait ou il critiquait la volonté de Dieu inconsciemment, مِنْ غَيْرِ شُعُورِ. لِأَنَّ Al-Khadr كان يطبق فقط أوامر الله. Parce que le Khadr, uniquement, il exécutait les ordres de Dieu. ثانيا, un deuxième exemple qui est très fort. قصة داود, مثال آخر, قوي. قصة داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام. L'histoire de David avec son fils Salomon, prière et salut sur les deux. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وداود وسليمان إذ يحكمان. كل واحد سيحكم في نفس القضية. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله كان شاهد لحكم هذا وهذا. ففهمناها سليمان. سليمان فهم من الله، داود لم يفهمه الله تعالى وتبارك، فلن يحكم بما أراد الله تعالى وتبارك وإن كان حكمه صواب لأنه اجتهد. ففهمناها سليمان وكلا، يعني سليمان وداود، وكلا آتينا حكما وعلما. Dieu dit, et David et Salomon, qu'ont-ils jugé à propos du champ lorsque les troupeaux de ces gens s'y répandirent de nuit et nous étions témoins de leur jugement, nous la fîmes comprendre à Salomon, ça veut dire l'affaire, nous la fîmes comprendre à Salomon et non pas à David, et donnâmes à tous les deux pouvoir et savoir. Fasulayman asaba bi'idnillahi fil hukm. Salomon a donné un jugement correct grâce à Dieu. Wa Allah lam yalum Daoud alayhi salam, et Dieu n'a pas fait des reproches à David, prière et sagesse. Bal athna alayhi wa ala ibni, plutôt il a fait des éloges à David et à son fils. Wa kullana atayna hukman wa ilman, et donnam à tous les deux pouvoir et savoir. المثال الثالث، le troisième exemple, Younus alayhi salam, Jonas, prière et sagesse sur lui. Ghadiba ala qawmihi, il s'est énervé contre son peuple qui n'a pas voulu croire en lui. وَتَرَكَهُمْ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ إِلَهِ مِنْ غَيْرِ وَحِي, et il les a quittés, il a quitté sa ville et son peuple sans autorisation divine, sans révélation venue de la part de Dieu. وَفِي الْأَخِيرِ وَجَدَ نَفْسَهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ, à la fin il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, d'une baleine. فَقَالَ, il a dit, لَا هَذَا كَلَمْ يُونُسُ, il s'agit là de la parole de Jonas cité dans le Coran. فَقَالَ, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ, il a dit, il n'y a aucune divinité à part toi, gloire et pureté à toi, j'étais parmi les injustes, ou je faisais partie parmi les injustes. Rabian, quatrièmement, al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quatrièmement, le prophète Muhammad, prière et salut sur lui, fi ghazwat Tabouk, lors de l'expédition de Tabouk, qabila birahmati, huwa nabi urrahma, c'était le prophète de la miséricorde et de la clémence, qabila i'tidhar al-munafiqin fi adam al-khuruj ma al-muslimin, il a accepté l'excuse par clémence, il a accepté l'excuse des hypocrites qui cachaient la mécréance et qui montraient l'islam, et il les connaissait lui, donc il a accepté leur excuse pour ne pas sortir dans l'expédition avec les musulmans, pour qu'ils restent à Médine et pour qu'ils ne participent pas à la bataille. Faqala lahu Allah fi aya, Dieu lui a dit directement dans un verset coranique, afallahu anka, ya Muhammad, ya Habibi, afallahu anka, Rabbi samhak, afallahu anka, lima, alash, lima adhinta lahum, hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin, que Dieu te pardonne. Dieu dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après cette action, que Dieu te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné la permission sans avoir en auparavant la certitude de ceux qui disaient vrai et sans savoir les menteurs ? Hada fi ma yakhus al-anbiya, c'était là des exemples de prophètes. Amma al-a'imma al-arba'a falam yad'u al-isma, mais en ce qui concerne les quatre imams, ils n'ont pas prétendu l'infaillibilité. Rahma annahum kanu jibalan fil 'ilm, malgré qu'ils étaient des montagnes dans la science. كانوا يقولون, ils disaient tous, كل يؤخذ من كلامه ويترك, toute personne, malgré sa grande science, on peut prendre de ses paroles et on peut renoncer, laisser, abandonner. إلا صاحب هذا القبر, à part celui qui habite, qui dort dans cette tombe, يعني المعصوم signifie l'infaillible Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إلا صاحب هذا القبر, إلا المعصوم Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكان أبو حنيفة يقول, أبو حنيفة disait, هذا أحسن ما وصلنا إليه. في آخر حياته, à la fin de sa vie, أبو حنيفة disait, cet avis est le meilleur que nous avons pu atteindre. ou ces résultats, ce sont les meilleurs que nous avons pu atteindre après une réflexion d'une vie et un effort intellectuel qui a duré une vie. فَمَنْ رَأَى خَيْرًا مِنْهُ فَلْيَتَّبِعُهُ. Celui qui trouve mieux que nos résultats, qu'il les suive. Il n'a pas dit vous devez suivre seulement ce que moi j'ai fait. Je suis Abu Hanifa. Et qui ne connaît pas Abu Hanifa ? وَفِي آخِرِ حَيَاتِهِ سَأَلُوهُ. À la fin de sa vie, on lui a posé ces questions. Ses compagnons lui ont posé cette question. سَأَلُوا هَذَا الْجَبَلِ. Ils ont posé la question à cette montagne de savoir. أَهَذَا الَّذِي انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ هُوَ الْحَقِّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. Est-ce que tes conclusions d'une vie, est-ce que tes résultats d'une vie, c'est la vérité avec laquelle il n'y a aucun doute ? فَقَالَ أَبُو حَنِيفَ. Abu Hanifa a donné cette réponse. لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ الْبَاطِلِ الَّذِي لَا شَكَّ مَعَهِ. Je ne sais pas. Peut-être c'est le faux avec lequel il n'y a aucun doute. مَمْ مِنْ عُلَمَاء وَشُيُوخَ الْيَوْمِ يَقُلْ لَكْ كَلَامِي هُوَ الْبَاطِلِ الَّذِي لَا شَكَّ مَعَهِ. Qui parmi les savants d'aujourd'hui, les cheikhs d'aujourd'hui te dit mes paroles sont ce qui est faux ou le faux avec lequel il n'y a aucun doute. الإمام مالك, l'imam Malik, يقول, il disait إنما أنا بشر. Je ne suis qu'un simple homme. أصيب وأخطئ. Je peux avoir raison et je peux avoir tort. فما كان من كلامي موافقا للكتاب والسنة فخذوه. Mes paroles qui sont conformes avec le livre et avec la sunna, prenez-les. وإن لم يكن فألقوه. Sinon, jetez-les, jetez mes paroles si mes paroles ne sont pas conformes avec le livre et la sunna. Al-Imam al-Shafi'i, le grand imam al-Shafi'i, يقول, il disait, إذا صح الحديث بخلاف قولي, dans le cas où le hadith s'avère authentique, contrairement à ma parole, فضربوا بقولي الحائط. Frapper avec ma parole le mur ou jeter ma parole contre le mur. Il ne parle pas avec un ignorant comme moi. Il parle aux savants comme lui qui ont le même calibre que lui. Mais moi, je peux jeter la parole de Shafi'i ou de l'imam Malik. Qui suis-je ? Un grand ignorant. Et le problème, c'est lorsque j'ignore que je suis ignorant. Ça, c'est le malheur. Man ana ? حتى أقول أنا أرمي كلام مالك أو أرمي كلام أبو حنيفة. أبو حنيفة كان يتكلم مع العلماء بحاله, مالك كان يتكلم مع العلماء بحاله, ماشي واحد جاهل بحالي. المصيبة أنك تكون جاهل وما عارفش أنك جاهل. ويقول كذلك الإمام الشافعي ديد لا ميم مانيير, رأيي صواب يحتمل الخطأ. ما بارول مون افي اي جوست مي لي لي بروبابل كي سوا فو. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. Et l'avis de l'autre est faux, mais il est probable qu'il soit juste. ما أجملها من فلسفة. Quelle belle philosophie. والنتيجة أنه من قال أتبع عالما واحدا وأرفض أقوال غيره. La conclusion, celui qui dit aujourd'hui ou dans le passé ou dans l'avenir, je ne suis, je n'imite qu'un seul cheikh, qu'un seul savant. Wa arfudu aqwal ghayrihi. Et je refuse catégoriquement les dires des autres. Faqad qama bil haram. Celui-ci, on lui dit, mon frère ou ma sœur, tu as fait le haram. Li'annahu yaj'al min hadha al-'alim nabiyyan ma'souman. Parce qu'il fait de ce cheikh un prophète infaillible. Wa al-imam Ibn Taymiyyah, le cheikh ou l'imam Ibn Taymiyyah, يرى أن من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام. L'imam fils de Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, dit que celui qui dit cela sort catégoriquement de l'islam, n'est plus musulman. C'est Ibn Taymiyyah qui a dit cela. وابن القيم تلميذ ابن تيمية قال هذه بدعة. Ibn al-Qayyim, l'élève de Ibn Taymiyyah, dit que cela est une bid'a, est une invention, innovation dans la religion. De suivre un seul maître et renoncer aux autres. بمعنى من اتبع طول حياته الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ورفض كلام غيره فهو كافر حسب ابن تيمية. Ceci signifie que celui qui dans toute sa vie va suivre à la lettre Ibn Taymiyyah que Dieu soit satisfait de lui, et renonce au dire des autres, selon Ibn Taymiyyah, celui-ci est mécréant. النقطة الثانية الشيخ ليس رب. Le deuxième point, الشيخ, le maître, n'est pas un dieu, n'est pas un seigneur. هناك من يجعل من شيخه رب. Il y a celui ou celle, par ignorance, qui fait de son maître. Sans se rendre compte, inconsciemment, il fait de lui un dieu, un seigneur. رغم أن الإسلام يقول له أودي لا إله إلا الله. Malgré que l'islam lui dit, oh, il n'y a aucune divinité à part Allah. قال تعالى عمن سبقونا. Dieu dit dans un verset à propos de ceux qui nous ont précédés, اتخذوا أحبارهم علماء أحبارهم العلماء اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs rabbins, ça veut dire leurs savants. Ils ont pris leurs savants et leurs moines comme seigneur et maître à la place de Dieu. فهل عبدوهم. Est-ce qu'ils les ont adorés? Est-ce que les gens ont adoré leurs savants? Ils se sont prosternés devant eux. الجواب لا, la réponse non. قال المفسرون, les interprètes du Coran disent, كانوا يطيعونهم في كل شيء. Ils leur obéissaient dans tout ce qu'ils leur disaient. C'est ça l'adoration que Dieu a critiquée. فسمى الله هذه عبادة. Et Dieu a nommé cette pratique comme une adoration. وفي الحقيقة الشيخ الذي له علم حقيقي. En réalité, mes frères et mes sœurs, الشيخ qui a vraiment le savoir, le vrai savoir, فهو يساعد تلميذه على أن لا يعبده. Il va aider son élève pour que celui-ci ne l'adore pas. بأن يتواضع. En se montrant humble, modeste. أما لو كان الشيخ يخطئ كل العلماء. Mais dans le cas où الشيخ donne tort à tous les savants, à tous les autres شيخ في غيابهم, pendant leurs absences. أما لو كانوا حاضرين لما استطاع, pendant leur absence, mais dans le cas où ils étaient présents, ils seraient incapables de le faire. من أراد أن يخطئ عالما فعليه بالمناظرة. Celui qui veut donner tort à un savant, en islam il y a une seule chose, le débat. Télévisé devant tout le monde. Tout le monde assiste, il y a un débat entre deux montagnes. يعني يعطي للآخر فرصة الدفاع عن النفس. أمام الناس, ça veut dire il donne à l'autre la chance de se défendre devant les gens. أما الذي يسب ويتهم العلماء في غيابهم هذا يسمى جبن. Celui qui insulte et qui accuse les savants, les chouyours, dans leur absence, ça s'appelle de la lâcheté. يخطي كل العلماء. Il donne tort à tous les savants. فهذا يعني أن وحده على صواب. Si je comprends bien, c'est lui qui a raison seulement. فهذا الشيخ فيه نصيب من إبليس. Ce cheikh, ce maître, a une part d'Iblis, le grand Satan. Ce cheikh a une logique satanique. هذا الشيخ عنده يعني طريقة أو فيه شيء شيطاني. الشيطان الذي قال عن آدم أنا خير منه. Iblis, le grand Satan, qui a dit de notre père Adam, je suis meilleur que lui. الشيخ لما يخطئ أمام تلاميذه كل العلماء. Le maître, lorsqu'il traite des gens qui se trompent, tous les savants devant ses élèves, فكأنه يقول لهم أنا خير منهم. C'est comme s'il dit à ses élèves, je suis meilleur que. كلهم كيخطئوا إلا أنا. Tous ils se trompent, à part moi. Ça c'est satanique. الشيخ, هذا الشيخ فيه نصيب من فرعون. Ce cheikh a une part de pharaon. Il a une logique pharaonique. تقول الآية, le verset coranique dit. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. أنا فرعون ما كاينش إله آخر غيري أنا. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فرعون dit au peuple, je ne vous ai pas connu d'autre dieu que moi-même. الشيخ الذي يخطئ كل العلماء. Le cheikh qui donne tort à tous les autres. فكأنه يقول لتلاميذه, comme s'il dit à ses élèves, ما علمت لكم من شيخ غيري. Je ne vous ai pas connu un autre maître, un autre cheikh que moi-même. فإذا وجدت شيخا يشكر نفسه, si tu rencontres un cheikh qui dit du bien de lui, qui est autosatisfait, ويذكر للعلماء الآخرين عيوبا, et il cite des défauts pour les autres, فاعلم بأنك أمام جاهل, sache que tu es face à face avec un ignorant. خذ حذرك منه وفارقه, méfie-toi de lui, quitte-le. وكذلك إذا رأيت شيخك أو جماعتك لا يحب أن تتعلم عند شيوخ آخرين. De la même manière, le grand test, mon frère ou ma sœur, je vous le donne, le grand test. Dans le cas où tu vois que ton maître ou ton groupe de musulmans n'aime pas que tu apprennes chez les autres shuyukh, lorsqu'il y a un cheikh qui vient, il te dit « Attention, il ne fait pas partie de notre groupe, ne va pas à cette mosquée. » C'est quoi ça ?« Ta'allam faqat indahu wahdahu » Apprends uniquement chez lui seul. « Fakhud hidraka minhu » Je te dis « Oh, et méfie-toi de lui. Tu es devant un ignorant, « Anta amam jahil » لو كان عالما صادقا لما منع كذلك. S'il était un vrai savant, un vrai cheikh, il t'interdirait pas cela. ولكنه يخاف ان تكتشف الحقيقه, ان تكتشف انه ليس بعالم. Mais il a peur que tu découvres la vérité, tu découvres qu'il n'est pas un savant. Parce que lorsque tu vas fréquenter les vrais savants, tu vas connaître qui est et qui n'est pas savant. موسى عليه السلام موسى prière et salut sur lui. نبي يتعلم مباشرة عند الله. موسى prière et salut sur lui était un prophète parmi les grands prophètes. كليم الله, l'interlocuteur de Dieu. Il parlait directement avec Dieu sans l'intermédiaire de l'archange Gabriel. لا يحتاج للبشر. موسى n'avait pas besoin d'apprendre chez les hommes. ورغم ذلك سافر إلى الخضر ليتعلم عنده. Malgré tout cela, il a voyagé, il a fait un voyage dur et long pour aller vers le maître Al-Khadr, pour apprendre chez Al-Khadr, malgré que Al-Khadr n'était pas un prophète et n'était pas un dieu. Al-A'imma, Kamalik wa Abi Hanifa wa Shafi'i wa ghayruhum, les imams, les grands imams, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, les autres, تعلموا عند عشرات الشيوخ. Ils ont appris auprès de dizaines de maîtres. مالك يقول لم أدرس لم أصبح معلم في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد لي 70 عالما. مالك dit je ne suis devenu enseignant professeur dans la mosquée du prophète prière et salut sur lui que lorsque 70 cheikhs, grands cheikhs comme des montagnes, m'ont attesté, m'ont donné l'attestation et l'accord. Il y a un cheikh, si tu as un maître, juste deux choses. Dis-lui, s'il te plaît, donne-moi trois grands savants qui attestent que tu as atteint le niveau de l'ijtihad. Il y a trois ulama de trois pays différents, je ne connais pas les يشهدوا لك أنك وصلت درجة الاجتهاد. Donne-moi s'il te plaît trois grands savants qui n'appartiennent pas au même pays que toi pour qu'ils ne soient pas des amis à toi, trois pays différents parce que le savant il est connu dans le monde entier et qui attestent tous que tu as atteint le degré de l'ijtihad. من تاش عالم ما وصلتش قل لي شكون كتبع الإمام مالك. Si tu n'es pas savant, ça veut dire que tu es imitateur comme moi. Tu imites. Dis-moi quel grand savant tu imites. Imam Ibn Taymiyyah, on a entendu ce qu'il a dit. L'imam Malik, nous avons entendu ce qu'il a dit. وتعلموا هذو الأئمة المالك وغيرهم تعلموا حتى عند شيوخ مخالفين لهم من الشيعة. Ils ont appris ces grands maîtres. Ils ont appris même chez des maîtres qui n'appartenaient pas à la même pensée qu'eux. Ils ont appris chez des chiites, des savants chiites, malgré que eux, ils étaient des sunnites. Wa faqimatu al-insan huwa an yakuna lahu 'iddat shuyukh. La gloire, le prestige de quelqu'un, c'est qu'il a ou qu'il possède plusieurs cheikhs, plusieurs maîtres. Falimadha shaykhuka yurid an yuzila lak hadha al-fakhr wa hadhihi al-qima. Pourquoi mon frère ou ma sœur, ton maître veut éliminer pour toi ce prestige ou cette valeur? Ça veut dire il t'élimine tous les autres cheikhs. Al-Imam Shafi'i ta'allama 'inda al-Imam Malik تسع سنوات الإمام الشافعي a appris auprès de l'imam Malik était son élève pendant 9 ans ثم قال له إذن لي أن أذهب إلى العراق à la fin il lui a dit autorise-moi pour aller vers l'Irak لماذا pourquoi لأتعلم علم أبي حنيفة afin que j'apprenne la science d'Abu Hanifa مدرسة مغايرة لمدرسة مالك une école différente catégoriquement de l'école de l'imam Malik قال له الإمام مالك اذهب L'imam Malik lui dit, tu peux partir. L'imam Malik est sûr de lui, sûr de sa science. Faqal al-Shafi'i, l'imam Shafi'i lui dit, la mal ali, je n'ai pas l'argent pour aller en Irak. Fa mawwal al-imam Malik rahimahullah, rihlat al-Shafi'i kullaha min malihi. Et l'imam Malik a financé la totalité du voyage de science de l'imam Shafi'i dans sa totalité vers l'Irak. De son propre argent, il l'a financé. Lam yaqul lahu la yakfika ilmi. فقط. Il ne lui a pas dit non, ma science te suffit. تعلم الشافعي في مدرستين مختلفتين ساعده على إنشاء مدرسة جديدة كانت رحمة أخرى للمسلمين. Le fait que l'imam Shafi'i a appris dans deux écoles différentes, celle de Médine et celle de l'Irak, lui a permis de constituer une nouvelle école qui va devenir une troisième miséricorde pour les musulmans. النقطة الثالثة, le troisième point. La ta'ata li shaykh fi ma'siyat al-khaliq. Nulle obéissance au shaykh dans la désobéissance au créateur. Idha ra'ayta shaykhak yudallil wa yukaffir shuyukhan akharin. Dans le cas où tu vois que ton maître ou ton savant traite d'égaré, traite de mécréant d'autres imams, fakhud hidraka minhu. Méfie-toi de lui. Inna ta'atahu. Dans le cas où tu obéis et tu traites de mécréant les autres comme lui, أصبحت كالذين اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله. Dans ce cas, tu deviens comme ceux qui ont pris ou qui ont fait de leurs savants, leurs chers, des seigneurs à la place de Dieu. شيخك يضلل ويكفر. Ton maître égare et traite de mécréants les autres. تذكر قول الله تعالى. Rappelle-toi directement de la parole sacrée de Dieu. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبائم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si quelques dévergondés vous apportent une nouvelle, vérifiez-en la teneur de crainte de faire du tort injustement à des innocents par ignorance. Et d'en éprouver ensuite des remords. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et lui dit: من دعا رجلا بالكفر. Celui qui appelle quelqu'un avec le nom mécréant, ô mécréant, il le traite de mécréance. أو قال يا عدو الله. Ou celui qui dit à l'autre ô ennemi de Dieu. وليس كذلك إلا حار عليه كلامه يرجع إليه إذا كان الآخر مش كافر في نظر الله مش عدو لله هو حبيب لله فكلام هذا يرجع له dans le cas où quelqu'un appelle un autre par la mécréance ou lui dit oh ennemi de Dieu dans le cas où l'accusé ne mérite pas toute l'accusation revient vers l'accusateur متفق عليه unanimement authentique ربما هذا الشيخ الذي كفرته أو ضللته. Il se peut que ce cheikh, ce maître, que tu as traité de mécréant, tu as traité d'égaré, بفضل دعوة منه في الليل لصالح المسلمين. لما كنت ضالا بعيدا عن المسجد بفضل دعوته هداك الله. Il se peut que grâce à une invocation de ce cheikh dans la nuit avec des larmes, il a fait une invocation pour tous les musulmans, pour que Dieu les guide vers le bon chemin, et tu étais parmi les égarés, tu connais même pas la mosquée à l'époque. Peut-être c'est grâce à son invocation que tu es revenu vers la mosquée. Et maintenant que tu es revenu, tu le récompenses par la mécréance. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لو قلت لواحد بأنه كافر. Si tu dis à quelqu'un tu es mécréant. وهو لا يستحق et il ne mérite pas cela بمعنى أنك أصبحت أنت الكافر. Ceci tout simplement signifie en islam que c'est toi qui es devenu mécréant. بمعنى أنك يوم القيامة لن تدخل أبدا للجنة. Ceci signifie que le jour de la résurrection tu n'entreras jamais au paradis. Tu es un mécréant mon frère ou ma sœur. ف شيخك كفر عالما لأنه يقول كلاما مغايرا. Ton maître a prêté de mécréant quelqu'un, un savant, parce qu'il dit des choses différentes à lui dans le domaine du fiqh ou dans le domaine de la aqida, la croyance. يعني قال كلاما مغايرا في الفقه أو في العقيدة وكفره شيخك. تخيل لو كان هذا العالم فعلا أخطأ في العقيدة لأنه اجتهد. Imagine que vraiment ce savant, ce cheikh, traité de mécréant par ton cheikh, a vraiment fait l'erreur dans la croyance, dans la aqida, parce qu'il a fait l'effort, il a fourni l'effort. والمسلمون اختلفوا في العقيدة. Les musulmans ont eu une grande divergence dans la aqida. هناك اتفاق حول وحدانية الله. Il y a l'unanimité autour de l'unicité de Dieu. وجود الجنة, l'existence de l'enfer, l'existence du paradis, l'existence des anges, الملائكة, النار, إلى غير ذلك. هذا فيه اتفاق. ولكن فيه اختلاف بين المسلمين مثلا في آيات الصفات الإلهية. Mais entre les musulmans, il y a toujours une divergence en ce qui concerne les versets qui traitent des attributs de Dieu. وغيروها. Et d'autres points, قال العلماء هذا الخطأ معذور. Les savants disent que cette erreur est excusée. لأن الله استجاب دعاء خواتيم سورة البقرة. Parce que Dieu a exaucé les invocations qui se trouvent dans le dernier verset coranique du chapitre La Vache. رواه مسلم والترمذي. Rapporté par l'imam مسلم et الترمذي. ومن بينها. Et parmi ces invocations, ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Et parmi ces invocations de ce verset, Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de notre oubli ou de nos erreurs. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Le prophète dit, ma nation est excusée en domaine de l'oubli ou de l'erreur ou de la contrainte. وقال الشيخ ابن تيمية. Et الشيخ ابن تيمية, que Dieu l'englobe de sa miséricorde, قال من كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق. Celui parmi les croyants qui fournissait l'effort pour chercher la vérité, وأخطأ, et il a commis l'erreur, فإن الله يغفر له خطأه كان كائنا من كان. Dieu lui absout son péché ou son erreur quoi qu'elle soit. وقال كذلك. Et l'imam Ibn Taymiyyah a dit, لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. يعني مسائل الاختلاف. Il a dit, il n'est pas permis de traiter de mécréant un musulman à cause d'un péché qu'il a commis ou une erreur commise de sa part dans le cas de la divergence qui existe entre les musulmans. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, بعدما تكلمنا عن الشيخ, après que nous avons parlé du الشيخ, نتكلم الآن عنك أنت تلميذ الشيخ. Maintenant on va parler de toi, l'élève du الشيخ. ونقدم لك النصيحة لأننا نحبك. Et on te présente le conseil parce qu'on t'aime. هب أنك على حق. Imagine, supposons même que tu as raison. أين هو خلق الإسلام في تصرفاتك؟ Où est la morale musulmane dans tes actions؟ أين الكلمة الطيبة لإخوانك في المسجد؟ Où est la bonne parole à l'égard de tes frères dans la mosquée؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. Le prophète prière et s'assoit dit, la bonne parole est une aumône. متفق عليه, unanimement authentique. أين الابتسامة لإخوانك في المسجد؟ Où est le sourire vers tes frères dans la mosquée؟ قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et s'assoit, تبسمك في وجه أخيك صدقة. Ton sourire à l'égard de ton frère est une aumône. رواه الترمذي وابن حبان. Rapporté par الترمذي et ابن حبان. لماذا تدخل وتخرج من المسجد ولا تسلم على إخوانك المسلمين؟ Pourquoi frère ou sœur tu entres et tu sors de la mosquée sans adresser les salutations ou sans répondre aux salutations qu'on te dresse, que les musulmans te dressent. وتسلم فقط على أعضاء جماعتك. Et tu salues uniquement les gens de ton groupe. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل une fois on a interrogé le prophète prière et sa souris أي الإسلام خير quelle est la bonne partie de l'islam قال تطعم الطعام il a dit donner c'est le fait de donner à manger aux autres وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من تعرف et le fait de saluer ceux que tu connais et ceux que tu connais pas متفق عليه unanimement authentique بمعنى أنك لم تصل لخير الإسلام lorsque tu ne salues pas les autres ça veut dire que tu n'as pas atteint le meilleur degré de l'islam وَنَحْنُ نُرِيدُ لَكَ هَذَا الْمُسْتَوَى et nous on aime pour toi ce haut niveau أحد الصحابة كان يدخل السوق ويخرج من غير شراء un compagnon entrait dans le marché sortait sans acheter quoi que ce soit فَسَأَلُوا on l'a interrogé فَقَالَ فَقَطْ لِأُسَلِّمْ عَلَى كُلِّ الْمُسْلِمِينَ لِأَخُذْ أَجْرَ السَّلَامِ j'entre dans le marché uniquement pour saluer tous les musulmans pour prendre le salaire النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم حتى على الكفار ويتكلم معهم le prophète saluait même les associateurs et parlait avec eux jusqu'au point لدرجة أن جاء عنده أعمى مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه وتولى عنه فأنزل الله لأنه كان يتكلم مع المشرك فقال الله عبس وتولى le prophète une fois il parlait avec des associateurs et un aveugle musulman est venu pour lui poser une question et le prophète a froncé ses sourcils et il s'est détourné de lui et Dieu tout de suite il a fait descendre un verset coranique il a froncé les sourcils et il s'est détourné نحن مش واحد عندنا جماعة أو جماعات ممكن أن نسميها جماعة عبس وتولى. Chez nous, il y a des groupes qu'on peut appeler les groupes des sourcils français et du détournement. أخي, frère, المهم ليس هو أن تعرف العلم. L'essentiel c'est ne pas connaître la science. المهم هو أن تطبق. L'essentiel c'est que tu pratiques. أن تكون لك أخلاق عالية que tu aies des hautes moralités. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبروفيت بريير يسولي دي ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا les gens que j'aimerai le plus et les gens qui seront assis à côté de moi le jour de la résurrection ce sont ceux qui avaient le meilleur comportement رواه الترمذي واحمد وابن حبان rapporté par الترمذي et احمد ابن حبان لم يقل اكثركم علما il n'a pas dit ceux qui ont la plus grande science علم من غير خلق لا يساوي شيئا une science sans un bon comportement ne vaut rien اخي العزيز cher frère من فاقك في الاخلاق celui qui te dépasse dans la morale فاقك في الدين il t'a dépassé dans la religion اخي هب انك تعلمت الدين وانك على حق imagine maintenant que tu as appris la science et tu as raison وهب ان المسلمين كلهم على خطا et imagine que tous les musulmans sont sur la voie de l'erreur فلا تنسى أشياء مهمة. N'oublie pas quelque chose ou quelques points importants. أولا, premièrement, كن لينا معهم. Sois doux avec eux. قال الله لموسى وأخيه قبل الذهاب إلى فرعون أكبر عدو لله. Dieu a dit à Moïse et à son frère avant de les envoyer au plus grand ennemi de Dieu, Pharaon. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Tenez-lui un langage doux. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il Dieu. ربنا يعرف أنه لن يسلم ولكن علمنا الطريقة. Dieu connaissait parfaitement qu'il ne deviendrait pas musulman. Mais seulement il nous a enseigné la manière. Deuxièmement, عليك البلاغ فقط. Tu dois uniquement la transmission. الهداية بيد الله. La guidée ou la guidance se trouve entre les mains de Dieu. وليست بيدك. Et non pas dans ta main. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو خير مني وخير منك. Dieu a dit au messager, prière et sa souris, qui est meilleur que moi et meilleur que toi et que toute la nation. قال له il lui a dit فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين s'ils font volte face tu n'es tenu que de leur transmettre en toute clarté لما بلغت قمت بدورك lorsque tu as transmis tu as accompli ton rôle وإياك من الغضب méfie-toi de la colère لأنهم لم يستجيبوا parce qu'ils n'ont pas écouté n'ont pas répondu favorablement يونس عليه السلام لما غضب وجد نفسه في بطن الحوت Jonas prière et sa souris lorsqu'il s'est mis en colère il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Thalithan, la tabhath an akhta innas. Troisièmement, ne cherche pas les défauts, les erreurs des autres, des savants ou autres. Wa ayyub annas. Wa tadribuhum biha pour les frapper avec leurs défauts ou leurs erreurs. Fa akhta'uhum yaghfiruha Allah. Leurs erreurs seront pardonnées, incha'Allah, par Dieu. Walakin ya akhi, anta, lamma taqif amam Allah, mais mon frère, Toi, lorsque tu seras devant Dieu, سيبحث عن كل أخطائك. Il va chercher à la loupe toutes tes erreurs. كما تدين تدان, l'islam dit, comme tu juges les autres, tu seras jugé. فرحم نفسك, et pitié pour toi-même. لا أقول لك ارحم الناس, je ne te dis pas d'avoir pitié pour les autres. رابعا, quatrièmement, لا يضيق صدرك باختلاف المسلمين, que ta poitrine ne soit pas serrée devant la divergence des musulmans. في الفقه, par exemple dans le domaine de la, du fiqh, هذا يرفع يديه في الدعاء, celui-ci lève les mains dans la, l'invocation, هذا لا يرفع, celui-ci ne lève pas les mains, هذا يصلي ركعتين في الجمعة إذا دخل, celui-ci il fait deux unités de prière le jour du vendredi, celui-ci ne fait pas. واختلافهم في العقيدة, et ne pense pas trop à leur divergence dans la croyance, هذا يؤمن بآيات الصفات, هذا يؤول, celui-ci croit à la lettre, au verset des attributs, et celui-ci interprète, إلى آخره, etc. فالإسلام أقر هذا الاختلاف. L'islam a approuvé cette divergence. وعلماء الإسلام أقروا هذا الاختلاف. Et les savants musulmans ont approuvé cette divergence. كما رأينا, comme nous l'avons vu, اترك هذا لله. Laisse cela à Dieu. قال تعالى, Dieu dit, وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Toute chose sur laquelle vous avez été en divergence, c'est Dieu qui en jugera, ou c'est à Dieu qu'il appartient d'en juger. Al-Hakam al-Wahid huwa Allah, le seul juge s'appelle Dieu. Wa fil akhir, ya la fin, qala ta'ala, Dieu dit, wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa, entraidez-vous à accomplir le bien et la piété. Mashakil muslimin jid katira, les problèmes des musulmans sont très très très nombreux. Des musulmans quittent l'islam en dehors de la mosquée. Toi, tu me fais une guerre dans la mosquée, mais regarde ceux qui ne viennent même pas à la mosquée. Regarde ceux qui se convertissent à d'autres religions. فعوض أن نضيع الوقت في الاختلافات الدينية, au lieu de passer le temps dans des divergences religieuses, تعال نضع اليد في الأد, اليد, viens qu'on mette la main dans la main, ونتعاون من أجل مصالح المسلمين الكبرى, et qu'on s'entraide pour réaliser les intérêts suprêmes des musulmans. ربما تقول كيف نفعل ونحن مختلفين, peut-être tu vas me sortir, comment doit-on faire avec notre divergence. الجواب في كلمة, يجب أن تكتب مبداد الذهب للعلماء, il y a une règle en or donnée par les savants en islam, نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه, qu'on s'entraide dans les choses où on est en accord, et que les uns excuse les autres dans le cas de notre divergence. أسأل الله أن أكون قد أوضحت الكلام, je demande à Dieu que ma parole soit claire, وأن تكون هذه الكلمة نافعة للمسلمين, et que cette parole soit bénéfique pour tous les musulmans. وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه, et je demande à Dieu de faire de nous des gens qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur de la parole. اللهم إني داع فأمنه, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا, واصلح ذات بيننا, واهدنا سبل السلام, واخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, هذه الحروب الموجودة في المساجد, هؤلاء الناس الذين يكفرون بعضهم بعضا, يا رب كل هذا من الشيطان. يا رب اكفنا الشيطان, يا رب نجنا من الشيطان, يا رب اجعلنا إخوانا متحابين فيك, يا رب اجعلنا إخوانا متزاورين فيك, يا رب جنبنا الشبهات وجنبنا الحرام وجنبنا كل ما لا يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب املأ قلوبنا بمحبتك ووحدنا حول كلمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك في الأخير على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه, وعلى كل من اتبع لسنته, وعلى أزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.